Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radioactive, vous êtes dans l'émission Le Mag, votre mag d'actu où chaque jour nous vous faisons part d'initiatives locales. Aujourd'hui direction Mont-Louis et on va vous proposer de découvrir un projet qui est porté notamment par notre invité du jour Olivier Debert. Bonjour Olivier. Bonjour Marlène. On est très content de vous recevoir aujourd'hui dans notre studio de Mont-Louis, Olivier, parce que Olivier, au-delà de ce qu'il va nous expliquer, c'est quelqu'un qui est déjà intervenu sur l'antenne de Radioactive pour nous parler d'informatique. Oui, exactement. En fait, j'avais fait deux chroniques sur l'IT, notamment comment réutiliser ou reconditionner un ordinateur et aussi ce que la fibre optique recouvre, enfin de l'installation, enfin tout le cheminement qu'il y a derrière. En fait. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas totalement dévier par rapport au sujet de l'émission, mais vous êtes venu, Olivier, avec votre casquette de parent d'élève du collège Raoul Rebout. Oui. Et vous êtes également un bénévole à l'APEIM, donc l'association de parents d'élèves de Mont-Louis. Mm-hmm. Il y en a plusieurs d'ailleurs, association oui, de parents d'élèves. Oui, il y a la FCPE aussi, je crois. Tout à fait. Et pour nous parler d'un projet qui s'appelle Réparer le futur. Alors, déjà, en quoi ça consiste dans les grandes lignes, avant qu'on en parle de façon plus détaillée? L'idée, c'est en contexte Covid, en gros, on s'est rendu compte qu'il y avait au collège notamment beaucoup d'élèves qui n'étaient pas équipés d'équipements informatiques. Donc moi, je travaille dans l'IT et voilà, on a souvent des stocks de machines qui sont dans des bureaux, qui servent à rien, qui sont fonctionnels, mais qui sont destinés à la destruction. Mm-hmm. Donc l'idée, c'était de collecter des machines pour les reconditionner, les réutiliser, les remettre dans le circuit et en faire don à des élèves qui sont dépourvus d'équipements chez eux, tout simplement. D'accord. Donc tout ça, c'est parti d'une enquête qui a révélé ces besoins-là. Exactement. Ouais. En fait, c'est en contexte Covid, lors du premier confinement, le collège a fait une sorte de sondage pour savoir ce qu'il en était pour les élèves. Est-ce qu'ils pouvaient travailler en contexte Covid? Il s'est avéré qu'en fait, il y a eu énormément d'élèves. Je crois qu'il y a quasiment 150 élèves ou pas loin de 200 élèves sur un collège de quasiment 800 qui n'avaient pas d'équipement informatique dédié pour travailler. Donc pour eux, l'informatique, c'est le smartphone ou la tablette. Donc pour travailler en contexte Covid, ce n'est pas l'idéal. Et donc le collège a eu une dotation, enfin un prêt, je crois, d'une cinquantaine de machines de la part du département. Et il s'est avéré qu'en fait, le collège a eu beaucoup plus de demandes que les 50 ordinateurs qui ont été prêtés par le département. Donc du coup, voilà, je me suis dit, il y a des choses à faire. Voilà. C'est vrai que, comme vous le disiez, on parle bien d'un public de collégiens. Donc eux, ils ne sont pas éligibles à toutes ces aides que propose notamment la région, qui sont plutôt orientées vers les lycéens. Exactement. Pour obtenir un PC portable. Alors qu'au collège, dès la troisième, on nous demande un rapport de stage. Exactement, ils sont obligés d'utiliser l'outil informatique pour taper un rapport de stage, pour faire des recherches aussi en fonction des matières. Donc, ils sont confrontés à l'usage du numérique qui, pour eux, n'est pas le numérique classique qu'ils ont au quotidien, à savoir TikTok, Snapchat sur des smartphones. Quoi. Oui. Alors, vous avez relevé les manches en vous disant qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Là, il y a un vrai besoin. D'un côté, on a du matériel qui dort. De l'autre, on a des jeunes qui en ont besoin. Comment on fait le lien entre les deux? Exactement. Donc, en fait, ce que j'ai fait sur Internet, j'ai cherché les 50 plus grandes entreprises d'Indre-et-Loire. Donc, voilà, je les ai listées. Après, j'ai cherché les organigrammes de chaque entreprise avec le nom du dirigeant et le nom du responsable informatique. J'ai fait un petit mail en expliquant l'idée du projet. Voilà, on cherche à collecter des machines pour les reconditionner, pour en faire don. À des collégiens qui ne sont pas équipés. Alors, je détaillerai le pas équipé après, derrière. Et donc, bon, alors, j'ai eu quasiment aucune réponse. J'en ai eu deux qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner suite à ma demande. Et par contre, il y a une grande entreprise de la région qui s'appelle ST Microelectronics qui a accepté de jouer le jeu au travers d'une fondation qui est basée, je crois, dont le siège social est à Genève, qui a dit, bah, écoutez, nous, on peut éventuellement vous donner des machines. Bon, alors, la problématique, c'est que moi, je portais le projet à titre individuel. Mmh. Donc, je me suis rapproché de l'association des parents d'élèves pour avoir une structure d'appui, pour que la fondation puisse faire don de ces machines à une structure et pas... Il y a une entité juridique, une personne morale, finalement. Oui, exactement. Mmh. Donc, du coup, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Bon, ça a mis un peu de temps parce qu'avec le Covid, ça a été compliqué. Donc, on a collecté les machines. Après, je remercie là des enseignants du collège qui ont fait le lien entre moi qui suis parent, qui n'ai pas de réelle, on va dire, existence auprès du collège. Donc, ils ont fait le lien entre les parents d'élèves qui sont éligibles pour la donation et moi qui porte le projet. Donc, en fait, comment l'éligibilité a été faite? C'est qu'en début d'année dernière, les enseignants ont envoyé un questionnaire sur Pronote avec notamment trois questions dans le questionnaire. Est-ce que les enfants ont un équipement chez eux, dédié? Est-ce qu'ils ont une connexion Internet? Et si oui, est-ce que c'est une connexion Internet autre que leur smartphone? Donc après, ils ont dépouillé le questionnaire. Ils ont identifié les élèves qui n'avaient pas du tout d'équipement chez eux. Et l'idée du projet, c'est d'équiper des enfants qui n'ont réellement pas d'équipement chez eux. Ah oui. Donc du coup, les enseignants se sont rapprochés des parents de ces élèves identifiés pour avérer le fait qu'ils n'avaient pas vraiment d'équipement chez eux. Bah oui, voilà. C'est facile de dire, sinon... ah non, moi, je n'ai pas exactement. De PC portable. Des fois qu'on en est un gratuit, tout équipé. Voilà, exactement. Donc voilà, donc après, ces élèves sont identifiés. Et comment se construit la suite? C'est qu'on structure des ateliers qui se passe donc au Rubixco, qui est un tiers-lieu de Mont-Louis, sur une matinée, une première matinée où on demande à ce que l'élève soit accompagné obligatoirement d'un parent pendant toute la session pour aussi responsabiliser un peu les parents. Mmh. Et durant cette session, on fait trois thèmes. Le premier thème, on fait une sensibilisation de l'impact du numérique sur l'environnement, où en gros, je montre un peu une vidéo d'une déchetterie. Enfin, déchetterie est un faible mot, on va dire, qui se trouve à Accra, au Ghana, une décharge qui fait 4 km² où il n'y a que des déchets électroniques, en fait, où tous les pays européens envoient leurs déchets. Mmh. Bon, enfin, j'aborde ce problème-là. Je montre aussi quelle quantité de matière il y a besoin pour produire un ordinateur neuf, un ordinateur portable de 2 kg, où en gros, il faut 1,5 tonne d'eau, 250 kg de métaux rares, enfin, etc. Voilà. Donc ça, c'est le volet sensibilisation de l'impact du numérique c'est sur l'environnement. C'est exactement. Super important. Surtout aujourd'hui. Et voilà, et ça permet aussi de passer un message aux collégiens, enfin, que dans leur tête, voilà, ils se représentent aussi un peu ce que ça recouvre derrière. Et donc, le deuxième volet, c'est la sensibilisation aux logiciels libres. Donc, les logiciels libres, en fait, on met en opposition les logiciels libres avec les logiciels propriétaires des grands comme Microsoft, Google, etc., où on parle un peu du concept. Alors, quand on parle de logiciels libres, je fais juste une parenthèse. Oui. On parle bien de choses qui se téléchargent de manière tout à fait légale. On ne parle pas des logiciels craqués qui, de fait, sont gratuits parce qu'on va réussir à les télécharger. Oui, mais on parle bien de choses qui restent, bien sûr, dans la légalité. Oui, tout à fait. Et qui plus est, les logiciels libres, les gens les utilisent sans le savoir. Je fais un petit aparté. Mais dans les box Internet, la plupart du code qui fait fonctionner les box, c'est 90% de logiciels libres. Donc, et même au-delà de ça, les gens qui ont un logiciel qui s'appelle VLC pour lire des musiques ou des vidéos sur leur ordinateur, c'est du logiciel libre. Firefox, le navigateur Internet, c'est du logiciel libre. Donc voilà, ça permet aussi de montrer que les gens utilisent du logiciel libre sans le savoir. Donc ça, c'est le deuxième volet, le logiciel libre. Et le troisième volet, c'est l'atelier purement pratique où voilà, moi, j'amène les machines et les enfants, accompagnés de leurs parents, installent un système Linux. Alors, quand on parle de Linux, ça fait peur aux gens, mais aujourd'hui, Linux... Et c'est l'objet de l'atelier, c'est très facile à installer. Il y a 5 ou 6 écrans, j'essaye de visualiser, mais 5 ou 6 écrans qui permettent de valider les étapes. Et votre système est installé, prêt à être utilisé avec... du traitement de texte, exactement. Du tableur, exactement. Tout une suite bureautique, un navigateur Internet, un logiciel pour lire les vidéos, de l'audio, etc. Une machine reconditionnée comme ça avec du logiciel libre, ça permet de couvrir quasiment 95% des usages du quotidien. Donc l'atelier voilà, se passe entre 9h30 midi. Des fois on déborde parce que sur le premier atelier on a eu pas mal de questions. On explique aussi voilà, les bases, alors vraiment les bases de la sécurité informatique, la robustesse des mots de passe... comment configurer son navigateur Internet de façon correcte pour éviter d'être pisté. Voilà, des notions que les gens apprennent en entreprise après. Donc l'idée, au-delà de faire un don de ces machines, c'est aussi de montrer que l'usage du numérique, aujourd'hui, pour des enfants qui sont en 5e, 4e, 3e, c'est leur usage de demain, que ce soit dans leur usage personnel ou même dans leur futur usage professionnel. Le numérique sera présent partout. Quoi. Oui, ça, on s'en doute. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ne vous arrêtez pas là. C'est-à-dire que je crois que c'est un mois après, oui, tout à fait. Il y a un suivi qui est fait. Voilà, idéalement, c'est... Alors, on n'a pas pu le faire sur la première session parce que les parents n'étaient pas forcément dispo sur les dates qu'on a proposées. Mais l'idée, c'est de revoir les enfants. Alors, peut-être pas forcément avec les parents, s'ils veulent avoir un langage plus libéré, on va dire. Mais c'est de les revoir un mois après pour faire un point avec eux sur les points qui ont bloqué... Qu'est-ce qui leur a posé des difficultés? Quels sont leurs besoins au-delà de ce qu'on a pu installer? Parce qu'en fait, on installe une suite bureautique, donc un logiciel pour la vidéo et l'audio, un logiciel, entre guillemets, de retouche d'image qui s'appelle GIMP, qui est un équivalent de Photoshop, donc la version propriétaire. Voilà, un certain nombre de logiciels et de faire le point avec eux sur est-ce qu'ils ont des questionnements autres, sur tous les sujets en lien avec le numérique, en fait. Donc, un suivi qui est assuré derrière. Donc, vraiment, un projet de A à Z qui a vraiment été réfléchi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Olivier, qu'on a autant de mal à se procurer des machines? Parce qu'effectivement, on écrit aux entreprises. Vous vous êtes tourné, évidemment, vers les collectivités territoriales jusqu'à la région, départements, et communes, etc. Comment ça se fait que c'est si compliqué? Mais en fait, il y a d'autres acteurs qui drainent tout le vivier, on va dire, de ces machines à reconditionner. qui font qu'il y ait des gros acteurs, donc qui laissent même pas la place pour des petits projets comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, c'est effectivement, bah, si nos auditeurs ont des pistes pour collecter des machines, moi je suis preneur. Moi j'ai mis l'accent sur des ordinateurs portables parce que c'est plus facile pour les élèves de les déplacer, de les manipuler que des ordinateurs fixes. C'est pas la même logistique non plus. Ouais. Donc moi ce que je dis aux structures, c'est que moi je récupère aussi les ordinateurs sans disque dur. On s'affranchit des problématiques éventuelles de confidentialité de données qu'il pouvait y avoir sur les machines avant. Typiquement, la Fondation ST Microélectronique, s'ils nous laissent les disques durs, mais ils ont une politique d'effacement avec un logiciel qui s'appelle Blanco. Donc, c'est un logiciel qui est certifié pour être sûr que le disque est bien effacé. Mais voilà, nous, on met d'autres disques à la place qui sont un peu plus rapides pour redonner un petit coup de fouet à la machine, même si elle est ancienne. Et voilà, et ça repart dans le circuit. Donc, ces acteurs-là, du reconditionnement, ils drainent tout le vivier et c'est... Voilà, c'est un peu compliqué à trouver sa place, même si nous, voilà, on est un petit acteur dans le projet. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est que si on pouvait collecter une quarantaine de machines de façon annuelle, ça serait l'idéal. Parce que là, on fait un focus sur le collège de Montlouis. Mais l'idée, ça serait aussi d'aller peut-être le collège de Vouvray. Voilà, si on arrive à trouver des enseignants qui soient partie prenante sur le projet, voilà, ça serait pas de rester que sur Montlouis, quoi. Eh bien, en tout cas, voilà, encore une belle initiative. Chaque jour, sur l'antenne de Radioactive, on vous fait part de belles initiatives. C'en est une qui s'inscrit dans cette lignée. Reconditionnement d'ordinateurs pour les distribuer à des collégiens qui sont dépourvus de l'outil informatique chez eux, de manière gratuite, évidemment, et accompagner. Ce qui fait la force aussi de ce projet, c'est que vous les accompagnez en leur présentant des logiciels libres, en les aidant, accompagnés de leurs parents, à installer tout ça et à s'en servir. Donc, bah, écoutez, bravo, Olivier. Si, effectivement, des auditeurs nous écoutent et ont des pistes, ou même, pourquoi pas, des ordinateurs à céder. Peut-être qu'on peut les inviter à prendre contact avec Radioactive et vous mettre ensuite en lien. Sinon, il y a l'APUIM, l'Association de parents d'élèves de Montlouis, que l'on peut contacter comment ? Je crois qu'il y a un mail de contact qui est contact@apuim.fr, si je ne me trompe pas, ou par votre biais, effectivement. Alors, on est assez sélectif. On ne prend que des ordinateurs portables pour faciliter l'usage pour les élèves. Et comme ça, ils peuvent le transporter. Et voilà, on ne prend pas de machines qui ont 15 ans. Quoi. Jusqu'à 10 ans, il n'y a pas de souci. Mais 15 ans après, c'est compliqué à remettre dans le circuit quand même. Il y a des limites. Quelqu'un qui aurait un ordinateur portable, évidemment, qui nous écouterait, on se dirait, bon, alors moi j'en ai bien, mais FIRAM, il n'est pas génial, on vous le donne quand même ? Oui, on est preneur. On est preneur. Et d'ailleurs, des gens qui ont d'anciennes machines et qui se posent la question de réinvestir dans une machine neuve, bah, je les invite notamment demain, donc le 8 juin et le 15 juin, à passer le nez matin. C'est le matin de 9h30 à midi. Rubisco, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas redit. Effectivement, au tiers-lieu de Rubisco qui se situe à côté de Touraine-Est-Vallée, à venir passer à la tête. Comme ça, vous pourrez voir un peu l'aspect impact du numérique sur l'environnement, les logiciels libres, mais aussi concrètement comment se passe l'installation d'un système libre sur une machine à reconditionner. Vous verrez que c'est extrêmement simple. Vous redonnez vie à votre machine et vous économisez de l'argent parce que vous faites perdurer votre ancienne machine. Et qui plus est, vous faites un geste pour la planète puisqu'on ne produit pas du coup de machine neuve. Je crois qu'il y a une phrase qui dit « le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas ». Donc voilà, c'est l'occasion. Merci beaucoup Olivier Desbert. Je rappelle que tout ce que vous faites là, c'est de manière totalement bénévole. Vous êtes parent d'élèves, bien que professionnellement dans l'univers de l'informatique, donc pour dire que vous savez bien de quoi vous parlez. Et donc bravo pour cet investissement et encore une fois pour ce beau projet qui a un très joli titre, Réparer le futur. Exactement. Merci beaucoup. C'est la fin de ce mag. On vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve dès lundi 18h.